Quelles sont les valeurs importantes pour vous ? La tolérance. Le racisme est un problème très grave. Pour moi, c'est l'égalité. Les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes droits. Il y a beaucoup de valeurs importantes. La solidarité, par exemple. Il faut aider les autres.